ma mère. Je m'en vais à la guerre. J'ai reçu l'ordre d'embarquer, j'ai mon fusil en bandoulière. Maman, lorsque je reviendrai, j'aurai sur mon blouson de laine la croix d'honneur et je serai peut-être capitaine. Adieu ma sœur, oui je m'en vais à la guerre. Les grands ont démoli la paix, les petits s'en vont la refaire. Ces messieurs, nos beaux généraux, nous ont promis que la victoire nous apporterait pour bientôt les honneurs et la gloire. Adieu mamie, oui je m'en vais à la guerre. Il est déjà au bord du quai ce train qui part vers la frontière. Faut pas pleurer mon cher amour, la guerre n'est pas éternelle. Bientôt je serai de retour et la vie sera belle. Allons les amis, nous partons à la guerre. Combien parmi nous reviendront? C'est le secret de Dieu le Père. Ceux d'entre nous qui laisseront leurs jambes au vent des batailles auront comme consolation une belle médaille. Allons les amis, c'est fini, dites bien vos prières. Le train roule vers l'infini, faut plus regarder en arrière. Et si ça dure trop longtemps, et si nous y perdons nos âmes, y aura bien des gars complaisants pour consoler nos femmes.